Johnny Jane. Tu souviens-tu du film de Gainsbourg? Je t'aime. Je t'aime moi non plus. Un joli t'aime. Hey Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey Johnny Jane, les décharges publiques sont les Atlantides que survolent les mouches quand t'arrives. Hey Johnny Jane, tous les camions à peine viennent t'y déverser bien des peines infanticides. Hey Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton teint livide, à la recherche de ton amour suicide. Hey Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la carotide à coups de pied dans les conserves vides. Oh Johnny Jane, le beau camion à peine te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Hey Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, ne sois pas si stupide, regarde les choses en face, sois lucide. Hey Johnny Jane, efface tout ça, recommence liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides. Hey Johnny Jane, un autre camion à peine viendra te prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Hey Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey Johnny Jane, écrase d'un poing rageur ton œil humide, le temps rongeux l'amour comme la